تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. ألو ألو، السلام عليكم يا أهل سلام، حشيشة على باري، سامير معكم. Nous sommes en direct, donc il est 21h heure de Paris, 20h heure d'Algérie. Marhaba bikoum pour notre émission en direct avec les auditeurs. Une émission que nous organisons tous les samedis soirs sur radiohchicha.com, le site internet radiohchicha.com si vous voulez avoir plus d'informations. J'espère que vous passez d'agréables moments avec nous. Ce soir, comme tous les samedis soirs, on ouvre l'antenne sur Skype. Les gens qui veulent intervenir, ça se passe sur Skype, Chicha DZ, si vous voulez appeler. Et comme chaque samedi soir, on a des sujets qu'on peut discuter, on les propose à la discussion. Ce soir, on a deux sujets qui relèvent un peu de l'actualité. Le sujet algérien, d'abord, on le prend par le côté de la corruption, ou là, Kimekoulou, la lutte contre la corruption. On va essayer de parler de ce sujet-là. On a vu l'actualité de l'IMET sur Chakib Khalil, mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt ou le méchi mandat d'arrêt, etc. La presse en a parlé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Khaouti. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette lutte, entre guillemets, la lutte contre la corruption? On y reviendra de toute façon un petit peu plus tard. On a un sujet à l'Égypte, puisque les événements en Égypte ont été sanglants, et on a vu aussi une nouvelle ces derniers jours, c'est la libération du président Moubarak, l'ancien président, l'ancien dictateur Moubarak a été libéré dans une procédure comme ça, un peu zigzag, mais ils ont réussi quand même à le libérer, à l'innocenter des trucs. Donc la question c'est l'Égypte, où est-ce que va l'Égypte? 2 ans après le début de la révolution, ce qu'ils appellent la révolution, eh ben il y a Hakoum al-Askar, il y a les militaires qui sont revenus en force et qui sont très violents. Et il y a même libération de l'ancien dictateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Ceux qui ont un point de vue sur ce qui se passe, ce qui s'est passé en Égypte, marhaba bikoum, vous pouvez intervenir sur Skype. Il suffit d'appeler Chicha DZ et c'est en direct, c'est sans censure. On essaie de se respecter, on essaie juste de donner son point de vue, chacun son point de vue. Tous discutent, il n'y a pas de problème. Sans trop tarder, en fait, nous avons un intervenant sur la question de la corruption, Monsieur Halim Feddal. Je le prends tout de suite, si vous permettez. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Marhaba bik, khouya Halim, merci beaucoup pour l'appel. Allah yisalmak, salam alaikum, bonsoir tout le monde. ميرسي بوكو بور لابيل tu as accepté en fait de participer sur le sujet هذا تاع la corruption en Algérie et je rappelle يعني aux auditeurs qui écoutent ça Blinte tu es un des responsables de l'association nationale de lutte contre la corruption, une association qui n'a pas été agréée en Algérie. Déjà je voulais justement juste revenir sur les dernières informations ces derniers jours. On a parlé Bli, on a lancé un mandat d'arrêt contre Chekib Khalil. Est-ce que toi tu crois à ces procédures ou là tu as ton analyse de la situation? Si vous permettez, Khouya Samir, j'aimerais enfin expliquer la situation générale de la corruption en Algérie. Et éventuellement, on va essayer de tirer des conclusions. Ouais, très bien. Khouya Halim, excuse-moi, parce que je vois que le niveau du son il est très faible. Est-ce que tu peux te rapprocher juste du micro? Min fadlik, excuse-moi. Et comme ça, c'est bon. Nettement mieux, c'est mieux. Maintenant, je vais essayer de crier. Alors, désolé, juste se rapprocher à cas du tout. Il n'y a pas de problème, Samir. Bon, pour l'ensemble, moi, dans toutes mes contributions, j'ai lié le fléau de la corruption. Il dépend essentiellement du contexte politique et en second lieu, du choix économique. Donc, ces deux critères, ils sont très, très, très importants pour percevoir le degré de, c'est-à-dire percevoir l'indice de corruption de chaque pays. Donc, en Algérie, c'est-à-dire, on peut parler du fléau de l'avant Bouteflika et de l'après Bouteflika. Rakmaïs Samir. Oui, je t'entends. Donc, pourquoi on parle de l'avant et l'après Bouteflika? Parce que avant, la corruption, elle relevait du code pénal algérien, et la corruption, c'est-à-dire, elle relevait du criminel, et c'est-à-dire, il y avait, c'est-à-dire, le dispositif, il était très répressif, il était, c'est-à-dire, les délais de prescription, ils étaient très longs, il y avait une correspondance entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes. Donc, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle la convention de l'ONU. Et cette convention, elle a été élaborée pour améliorer les dispositifs de la lutte contre la corruption. Donc, cette convention, elle a été signée par l'Algérie en 2004. Donc, elle a été signée dans un sens où l'Algérie va améliorer ce dispositif de lutte contre la corruption. Bon, l'Algérie, elle a fait pratiquement le contraire. C'est-à-dire, elle a décriminalisé la corruption, les fonds dilapidés, il n'y a aucun rapport entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes. Donc, on a vu une promulgation d'une loi permissive, voire laxiste. Donc, et même si l'Algérie voulut être en conformité avec cette convention, le contexte politique de l'Algérie ne permettait pas ça. C'est-à-dire, même si la convention de l'ONU est à Zaïre, elle ne peut pas marcher. C'est-à-dire, si, par exemple, si on parle de la déclaration du patrimoine, nous n'avons pas une administration fiscale qui est capable de contrôler et vérifier la mobilité du patrimoine de n'importe quel responsable. Si on parle de... Si nous aurons une loi qui est répressive, une loi qui est, c'est-à-dire, perfectionnée en matière de lutte contre la corruption, nous avons la justice algérienne qui n'est pas indépendante. C'est-à-dire, c'est une justice qui est fragilisée par la Constitution elle-même. Il n'y a pas d'indépendance de la justice, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et vous le constatez, c'est-à-dire, le premier responsable du Conseil suprême de la magistrature, c'est le président de la République. Le président de la République, il est à la fois président de l'organe exécutif et président de l'organe judiciaire. Et ça ne pourra pas marcher C'est-à-dire, si le président, c'est-à-dire, il peut pas se, s'il est incriminé dans des affaires de corruption, donc ça ne pourra pas le marcher. Et tous les organes de la justice, alors jusqu'au Conseil constitutionnel, c'est toujours la même mise de l'exécutif. C'est-à-dire ce qu'on appelle le centralisme, ou le centralisme de pouvoir de décision. Donc toi, excuse-moi, Sadir, c'est vrai, là, moi, à mon avis, je pense que tu relèves quand même un problème qui est, tel que tu le poses, il est très important, parce qu'au fond, finalement, malgré tous les discours, malgré toutes les trucs de bonne volonté, il y a ça, les discours de bonne volonté, on voit que finalement, au niveau des dispositions de la loi, on a fait une régression par rapport à avant, puisque maintenant on a quasiment dépénalisé. C'est pas le cas, mais on a alourdi les choses, etc. C'est-à-dire que les autorités font exactement le contraire de la lutte contre la corruption. Hein? C'est une honte, la loi 0601, c'est une honte. Moi, j'ai parlé de ça il y a 2 ans. Et on voit actuellement quelqu'un qui fait certaines parle des carences de la loi 0601. Donc, il y a même quelqu'un du ministère de la Justice. La dernière fois, il vient, c'est-à-dire dans une émission télévisée, il dit que décriminaliser la corruption, c'est-à-dire il trouve comme carence, c'est limiter les délais d'instruction. Et ça, c'est un peu de ça, c'est-à-dire décriminaliser la corruption, ça se résume que... J'ai perdu le son, Khoya. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je n'ai plus le son. Et comme ça va? Là, ça revient. Mais c'est vrai qu'il y a des trous. Des fois, le son est rough. C'est le net en Algérie. Moi, je n'ai plus rien. C'est la connexion, ouais. Je comprends. Ouais. Il me signale un problème de connexion. Ouais. C'est pas grave, mais là, on t'entend mieux. Ouais. D'accord. Donc, si on parle de protection, par exemple, de dénonciateurs, tous les dénonciateurs en Algérie, ils étaient incriminés pour des affaires fictives ou pour dénonciations calomnieuses, parce que la justice, elle est instrumentalisée par le pouvoir exécutif. Donc, j'ai parlé d'avant Bouteflika et après Bouteflika. Avant Bouteflika, la situation de la corruption, elle était, disons, pas normale, mais elle était acceptable. C'est-à-dire, elle était acceptable. Actuellement, la situation, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire, elle est incroyablement exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a corruption dans tous les niveaux. Il y a le plagiat, la corruption politique, la corruption financière, économique, le blanchiment, le transfert d'argent, les biens mal acquis. C'est-à-dire que toutes les formes de corruption existent actuellement en Algérie. C'est-à-dire, et sincèrement, c'est-à-dire la situation, elle est préoccupante. Et donc, tu dis, excuse-moi, je retiens juste une petite phrase. En plus, tu m'avais dit que tu étais pressé, mais c'est beaucoup de toute façon de rester avec nous un petit peu. On va te lâcher. Juste, tu dis, Bli, c'est-à-dire que la corruption, elle a touché tous les secteurs. Est-ce que tu penses, Bli, ce qu'ils sont en train de faire là, on voit que Chekib Khalil est attaqué. Dioum ou l'Alberh, Arbrab, il est cité dans des affaires Haka où on dit, Bli, il est en train de profiter des deniers de l'État. Est-ce que tu ne penses pas, Bli, ils sont en train de lutter quand même, on essaye d'arrêter l'Istinzef qui m'écoule. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une opération main propre, ce n'est pas une volonté politique pour lutter contre la corruption. C'est une guerre des clans. C'est une guerre, c'est-à-dire chaque clan essaie de fragiliser l'autre. Et moi, lors d'un entretien avec l'Ouattan, j'ai dit que le clan du DRS, il est en train de prendre des risques, en jouant sur la carte de la corruption, parce que eux aussi, ils ont beaucoup de choses à se reprocher sur ça. Et si on touche Rebrab, si on commence à toucher Rebrab, c'est le retour de la manivelle. C'est-à-dire, les deux clans, il faut que les Algériens comprennent. Il n'y a aucune volonté politique, que ce soit du clan de celui qui a ruiné le pays, Bouteflika, ou bien le deuxième clan du DRS. Il n'y a aucune volonté politique pour lutter contre la corruption. Et si les Algériens, il ne faut pas être trop naïf, les étrangers, ils ne bougent pas. ils ne vont pas bouger. C'est-à-dire s'il y a des intérêts. Tu as fait un peu des petites recherches dans ce domaine, et puis c'est-à-dire tu t'es un peu spécialisé. Justement, est-ce que par exemple on peut compter sur pour lutter réellement, c'est un peu l'objectif de votre association. Est-ce qu'on peut compter sur les juridictions internationales ou même les justices, les appareils judiciaires des autres pays, comme la France ou d'autres pays? Est-ce que yani les Algériens, tu étais en train de le dire, ils peuvent compter sur ça ou comment on peut faire en fait? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ce domaine? Écoutez. Si l'Algérie ne va pas, si elle ratifie une convention internationale et s'engage à en respecter les termes, c'est-à-dire théoriquement, pour eux, elle n'est pas force obligatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas une force contraignante des conventions internationales. C'est-à-dire, si l'Algérie ne veut pas appliquer, c'est-à-dire correctement cette convention, c'est-à-dire elle ne fera que des observations de l'organe chargé du suivi de la convention. Donc il est de toute première importance que ces dispositions pour chaque pays, il faut que sa société civile, sa justice, ses médias, c'est eux qui devront concrétiser, c'est-à-dire ces clauses. Les conventions. Et pour les justices, les justices étrangères, à titre d'exemple, les justices européennes, il y a ce qu'on appelle les magistrats du parquet. Et généralement, les magistrats du parquet sont liés directement à leur exécutif. Donc, ces États étrangers savent viser leurs magistrats de parquet, les procureurs, parce que les dossiers de corruption, il y a le problème de recevabilité, c'est-à-dire les militants anti-corruption, les problèmes qu'ils trouvent actuellement, c'est la recevabilité de... Donc c'est un magistrat, c'est un procureur. Là aussi, le son est parti. Ça revient, ouais. Voilà, il y a eu un trou. Donc il y a actuellement le problème de recevabilité. Donc, un procureur, il dépend de son ministre, de justice, mais le ministre, c'est l'exécutif. Donc, il y a instrumentalisation, moi, j'ai cité le cas de Serbia Telecom, il y a un problème de corruption qui est passé entre l'Italie et les Serbes. Et lorsqu'il y avait, il n'y avait pas une volonté de l'État serbe de poursuivre l'affaire, cette affaire elle a été bouclée par une commission d'enquête composée de magistrats et d'élus, de parlementaires. Donc s'il n'y a pas de volonté politique de l'Algérie, c'est-à-dire on ne peut pas... Bon, le cas de Chakib Khalil, moi je pose une question. Il y a un transfert, il y a une situation de corruption généralisée. Il y a un transfert d'argent vers des banques étrangères d'une façon... il y a une opération de grande envergure, c'est-à-dire un transfert énorme. Donc, moi, je me pose la question, il n'y a que Chakib Khalil que l'affaire de Chakib Khalil, elle est la seule à aboutir. Et il faut se poser des questions. Il y a de quoi, voilà. Ouais. Même, c'est-à-dire, c'est vrai que, c'est ce que tu es en train de dire, un réseau international, c'est bizarre qu'on en dégage qu'une personne, ou la deux ou la trois personnes. Un réseau, ça nécessite beaucoup de poids lourds qui interviennent à tous les niveaux. Du coup, c'est bizarre que ça se limite. On voit bien que ces affaires ou cette façon de faire, on voit bien qu'il n'y a pas de sérieux, ça c'est clair. Donc, moi je connais quelqu'un qui milite en France, c'est M. Hossein Gizdel, qui a travaillé sur le dossier de Sherif Rahmani. Il a des documents, je me suis étonné ce qu'il a comme document, et ça n'a pas été recevable par le procureur français. Et ça doit, ça dit, ce n'est pas normal. C'est quand même, ouais. C'est pas normal que le gouvernement français ou que le parquet français bouge pour une non-déclaration d'un ministre français et pour un transfert d'argent aussi immense, ça ne bouge pas. Comme quoi même la justice en France y a à dire dessus du point de vue de son indépendance par rapport aux politiques. Et on se rend compte, je pense, d'après ce que tu dis, que cette question-là de la lutte contre la corruption, elle est éminemment politique, en fait. Et pour revenir au cas de l'Algérie, ce que tu disais là il y a quelques instants m'a fait penser au fait que Andna, effectivement, si finalement on a les Algériens, d'abord on ne peut pas compter sur personne pour lutter contre ce genre de choses, il faut que ça soit une solution algérienne, même si personnellement je trouve que partout où on peut dénoncer des malversations, quelles qu'elles soient, partout où on peut le faire, il faut le faire. Moi je trouve ça normal, à partir du moment où les gens ont la possibilité de se défendre dans les normes, je pense que c'est normal de le faire. Par contre, il faut absolument qu'on ait des solutions algériennes, ce qui est normal. Il faut qu'on puisse, entre Algériens, pouvoir rendre la justice sur ces questions-là, qui sont quand même des questions carrément de souveraineté nationale, des questions qui concernent tout le monde. C'est pas seulement le vol, je ne sais pas moi, au niveau d'une entreprise, on a volé un ordinateur. Non, là, il s'agit quand même de richesse nationale. On a vu, c'est une corruption qui touche son attraque. Donc, on voit bien que c'est les trucs stratégiques des Algériens qui sont touchés. Donc voilà. Et la question, elle est éminemment politique. Oui. J'aimerais aussi dire que la dernière fois, le cher Rachad m'a posé la question, c'est-à-dire sur le rôle du DRS, c'est-à-dire en matière d'anticorruption. C'est-à-dire, ils ont voulu dire que, c'est-à-dire comment le DRS algérien, il n'a rien fait, il n'a réagi. C'est-à-dire, il a réagi trop tard. Bon, réglementairement, le DRS algérien, et comme par hasard, le code de procédure civile ou pénale, le code de procédure pénale, lui donne la qualité d'officier de police judiciaire. Donc, il peut enquêter sur les affaires de corruption. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, dans les pays qui se respectent, le DRS, il n'a rien à voir avec la corruption. Le seul organe qui combat la corruption, c'est la justice. Et il y a des organes auxiliaires qui travaillent dans la prévention et la répression, et à la société civile et éventuellement les masses médias. Donc, cette qualité d'officier de la police qui était octroyée au service du DRS, ça lui a permis, moi je sais, c'est-à-dire je sais actuellement que toutes les affaires de corruption décédées par la Cour des comptes ou bien par l'IGF, ils sont transmis automatiquement au DRS. Et bien sûr, et ça montre le degré de pourrissement, parce que sincèrement, c'est-à-dire si on fait du chantage, si on fait du chantage par des affaires de corruption, c'est le degré de pourrissement le plus bas, c'est-à-dire c'est pas possible, c'est-à-dire on fait du chantage par des affaires de justice, ouais. Voilà. C'est par excellence l'instrumentalisation de la justice dans des intérêts qui relèvent de clans, des personnes, etc. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Juste le fait que, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que c'est une instrumentalisation des affaires, mais là, actuellement, ils se font la guerre parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent, donc les gens, ils se positionnent, ils prennent de l'espace, d'autres sont en train de perdre de l'espace, etc. Est-ce que, après les élections présidentielles, tout ça va se calmer, ou là, à ton avis? Moi, j'ai toujours dit que ça veut dire cette guerre des clans, c'est pour des acquis politiques et c'est pour reprendre la sonatraque. C'est-à-dire, c'est la richesse et le pouvoir. Donc, je peux vous dire que le service qui mène cette opération en main propre, lui-même, il est incriminé dans des affaires de corruption. C'est-à-dire, si on cite Rebrab, on est en train de citer le clan, c'est-à-dire ces hommes d'affaires qui sont c'est-à-dire sortis de rien, qui deviennent des milliardaires. Bon, c'est la méthode du DRS, c'est de créer des hommes d'affaires et qui gèrent pour le compte de certains généraux au pouvoir. Sinon, voilà, en fait, tu signalais tout à l'heure aussi les militants, des gens qui essaient de militer contre ce problème de la corruption, ils ont tous des problèmes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça, c'est les dénonciateurs. Nous avons constaté, c'était une étude, on a fait une étude. Bon, moi, je suis dénonciateur et j'étais licencié abusivement. Moi, j'étais sous-directeur régional d'une caisse de sécurité sociale, porté au ministère du Travail. Si tu travailles dans le secteur public, c'est le licenciement abusif. Malheureusement, la loi algérienne, elle parle de protection du dénonciateur. Et la loi relative aux relations de travail ne parle pas du harcèlement professionnel. Même la protection du dénonciateur, ce n'est pas, c'est-à-dire, elle n'a pas été suivie. La protection du dénonciateur, dans la loi 0601, elle est représentée dans un seul article, l'article 45, si je ne me trompe pas. Par contre, par exemple, le Maroc, il y a tout un décret qui explique comment protéger un dénonciateur. Donc là, ça montre la volonté d'un pays pour protéger ses dénonciateurs et pour lutter contre la corruption. Donc, et si on ne travaille pas au secteur public, si vous êtes commerçant, c'est les impôts. On va inciter les impôts pour vous ruiner. Et si vous êtes, c'est-à-dire les représailles, il y a moult façons de vous rendre, c'est-à-dire à la raison. Et peut-être, je te laisserai de toute façon, si tu veux faire une conclusion, juste rappeler peut-être pour les auditeurs, Billy, votre association elle a un site internet, anlc-dz.org. -6, ANLC, Association nationale de lutte contre la corruption, anlc-dz.org. S'ils veulent vous contacter, vous envoyer des messages et à chaque fois vous dites dans vos sorties, dans les interviews, Billy, vous voulez généraliser la dénonciation de la corruption. C'est-à-dire, l'AFSAD, c'est quoi Généraliser. Actuellement, il y a un désengagement total de la société civile, un désengagement total du peuple algérien. C'est vrai, tout le monde en parle de la corruption, mais personne ne dénonce. Donc, nous avons créé un site internet pour pouvoir dénoncer anonymement, c'est-à-dire sans que personne ne puisse vous reconnaître. Donc, si on arrive à, premièrement, nous, on a dit que le contexte politique actuel, il est très défavorable pour lutter contre la corruption. C'est-à-dire la lutte contre la corruption, même si on applique la convention de l'ONU, ça ne va pas régler le problème des Algériens. J'ai déjà expliqué pourquoi. On n'a pas une justice indépendante, une justice forte. S'il n'y a pas une démocratisation, s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, ça sera inutile de produire des textes qui vont aboutir à rien. Si on n'a pas un bon contrôle fiscal, si on n'a pas une économie libérale, c'est-à-dire où l'État joue le rôle de contrôle et de régulation, il y a tout un dispositif pour qu'on puisse, c'est-à-dire qu'on puisse parler de lutte. D'accord. Donc, dénoncer, la généralisation de la dénonciation, c'est premièrement nous permettre, c'est-à-dire de collecter des affaires de corruption, de voir l'ampleur, c'est-à-dire même à petit, c'est-à-dire, petit niveau, de voir l'ampleur, et afin de nous permettre de faire des études, des constats, des statistiques. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est de tirer des conclusions. Bon, cette méthode, elle est utilisée dans des pays où la lutte, elle est beaucoup plus perfectionnée. Mm-hmm. Parce que il est toujours utile d'avoir les informations sur la corruption. Mm-hmm. Et c'est pour aussi impliquer tout le monde. C'est-à-dire de ce phénomène qui est en train de gangréner le pays. Il va ruiner notre pays. Les gens ils sont pas conscients. Mm-hmm. Aujourd'hui, le pays a de l'argent pour faire bouger les choses. Mais demain, comment qu'on va faire? Il y a un problème de bonne gouvernance. Et le pays actuellement, c'est la calamité. Mmh, mmh, mmh. On a vu les montants qui sont détournés, des milliers de milliards. Des fois, ça, c'est incroyable quand on sait qu'il y a des gens qui sont quand même dans le besoin et on aurait pu faire beaucoup mieux avec cet argent qui part. Soit il part en fumée, soit il part dans des circuits bizarres, soit il part dans des comptes en banque ou là, dans des villas et des choses comme ça. Et ça, c'est terrible. Samir, les montants, c'est vrai, c'est terrible. Mais moi, je parle de la nature du délit. Mm-hmm. Quand tu vois un imam, c'est-à-dire, il met de rachoua pour être imam, ou bien un orphelinat, c'est-à-dire, net de drame à les orphelins. Ça, c'est grave. Mm. Je parle de nature du délit, la nature du délit. C'est-à-dire, ça c'est très grave. C'est une question morale, ouais. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Khoya. Si tu as quelque chose à rajouter ou là. Il ne faut pas croire que ce qui se passe actuellement avec les clans du pouvoir, que c'est une opération main propre. C'est une guerre des clans. Et une fois, soyez rassurés, une fois un des clans, disons, fragilisés ou anéantis, ils vont revenir à leurs anciennes méthodes. Et s'ils veulent vraiment, c'est-à-dire, comment expliquer qu'une simple association qui n'a pas de moyens comme la nôtre, nous n'avons pas de moyens, ils nous refusent l'agrément. Donc, de quelle volonté politique parlent ces gens, c'est-à-dire pour combattre la corruption. Et c'est-à-dire, il faut pas croire que ces gens, c'est-à-dire, que l'opération est une opération bien propre, c'est la guerre des clans. Et je dirais la guerre des gangs, parce que pour moi, ils ne pourront pas être. Moi, je les appelle les voyous. Hein, c'est des voyous, c'est les traîtres. C'est des traîtres qui sont en train de trahir leur pays, qui sont en train de le ruiner. Donc, il faut que les Algériens, en matière de lutte contre la corruption, il faut qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils nous aident, il faut qu'on s'entraide. Et c'est ça l'appel que je dois lancer. Très bien. Très bien, ton appel est très clair. Merci beaucoup, de toute façon, pour tes interventions à chaque fois. Merci à vous. Merci beaucoup, Samir. Vous êtes un exemple de militantisme et vous nous avez beaucoup aidé. C'est gentil de le dire comme ça. Non, c'est bien, il faut continuer. Quand on peut, on vous encourage. C'est vous qui êtes... offrant qui m'écoule, et quand on peut faire quelque chose, on le fera. Je pense que c'est un devoir pour chaque citoyen. Et puis, il faut continuer. Et puis, Mazel, le problème de la corruption, il est lié. Quand le problème de la corruption l'aura réglé, ça veut dire qu'on aura vraiment réglé les problèmes de l'Algérie. Et ça se fera bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour l'appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Halim. Halim Feddal, Monsieur Halim Feddal de l'Association nationale de lutte contre la corruption, sur le sujet de la corruption en Algérie. On a vu comment leur association n'a pas été agréée, hein, c'est-à-dire qu'en Algérie, les gens qui essayent de dénoncer la corruption, les gens qui volent, etc., on les laisse pas travailler, tout simplement. On leur crée des problèmes. Monsieur Feddal nous l'a rappelé par rapport aux militants qui ont tous des problèmes. Dès que tu commences à dénoncer la corruption, commencent les problèmes. Parce qu'il n'y a pas de volonté, en réalité, il n'y a pas de volonté pour lutter contre la corruption. L'État et les plus hautes sphères de l'État sont touchées très sérieusement. Et c'est vrai que c'est un grave problème qui peut créer de ça, ou qui crée actuellement de sérieux problèmes au pays, aux intérêts du pays. Khaouti, vous pouvez participer par Skype si vous voulez. Je suis désolé auprès l'Arc qui a essayé d'appeler il y a quelques minutes. Je voulais pas couper Halim Feddal qui intervenait, je pouvais pas. Donc Khoya Mourad, si tu peux rappeler Marhaba Bik sur notre sujet là de ce soir, ou les deux sujets qu'on a choisis. Marhaba Bik donc sur Skype, Chicha DZ, Marhaba Bikoum Ga Khaouti si vous voulez participer, Blarbia, Bel Français, Blakbaïdia, Kimahbitou, sur le problème de la corruption en Algérie, lutte contre la corruption Kimegoulou. Ou là, sur le problème de ce qui se passe en Égypte, les événements, on a vu ces derniers temps qui fait, yani, ça a dérapé sérieusement. Et si vous avez un point de vue sur ça, n'hésitez pas à appeler sur Skype, Hchicha DZ, tout attaché, pour intervenir en direct. Khaouti, s'il n'y a pas d'appel, ou là, l'Akhmourad qui a essayé d'appeler il y a quelques instants, tu peux rappeler Khoya. Sinon, en attendant, je vais juste lancer un petit peu de musique et je reviens après ça. استمعون الى راديو حشيشة اول اذاعة جزائرية على الانترنت. يا ضغن كتابنا وين التاريخ راسنا دغام ونمغارنا الطاف انت لياقنا يلي يا ضنيا دغرت ميها وانت قدالنا ليني مزاغا اتايت منك اراد يا نغرين يا تايت الكلوات اول ما شق تي في نغيات دار التاريخ يا دين هي تهلم يا داتا ونا كان يطارد الناصوات سراغ منك انتو مست دليني مزاغا اتايت منك اراد يا نغرين يا تايت الكلوات التاريخ وقازنا دغامون الغارنا الطاف انت لياضنا الياضن يا دغرت ميها وانت قدالنا كان يضارت الناصوات سجرا ظلمنا كنتو مست دليني مزاغا يتاجت منك اراد يا نغرين يتاجت دليني مزاغنا يا تجياتن منك أرادن يا نغريني يا تجياتن كلوات كان يضارك النظوات سجرازن منك انتو مس دليني مزاغن يا تجياتن منك أرادن يا نغرين يا تجياتن كلوات Algérie, on a essayé de parler sur la corruption, les affaires de corruption, etc., Chekib Khalil, etc. Sinon, on a aussi parlé un petit peu de l'Égypte, plutôt j'ai proposé le sujet à l'Égypte par rapport aux événements, la libération de Hosni Moubarak, l'ancien dictateur, et je me suis posé la question, où va l'Égypte avec tout ça en fait? Sinon, si tu as un point de vue par rapport à ça. Par rapport à ça, il y a toujours à dire. Premièrement, salam alaikum, salam alaikum, les antidurs d'Eulek, Radio Hachicha, et puis je te remercie encore une fois pour le travail, l'Irak Diro. C'est gentil. Donc voilà, j'aimerais intervenir ce soir à le sujet d'Adak, il est toujours en bouillie, on va dire, à l'Égypte. Pourquoi Alej? Parce que Dorka, on est passé à une autre phase. C'est, il y a une espèce de haine ciblée, hein. Il y a des arrestations arbitraires, hein. Il y a une justice absente, et puis il y a les organisations donc des droits soi-disant de l'homme qui sont un peu absentes. C'est le premier élément. Deuxième élément, parce que ce qui se passe en Égypte, c'est bon, hein, il faudrait vraiment être aveugle, hein, et encore, on va dire, sa mère. Hein. Donc ça, c'est autre chose. Par contre, maintenant, c'est les réactions dans les pays arabes, les organisations, les pseudo-démocrates laïco-modernes. C'est ça un peu qui nous tue parce qu'ils sont en silence ou en vacances plutôt, hein, vu que c'est la période maintenant dans le festival, à mon avis peut-être qu'ils sont en vacances, et puis après ils vont nous faire une entrée donc sociale avec donc certainement donc un sujet islamophobe, Et puis, je suis pas en train de juger, je suis en train de citer une lecture, en fait. Hein. Je vois comme ça la chose maintenant. Parce qu'on a, passé tous les stades maintenant. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'humanisme, il y a une haine. Et puis, on aimerait donc, si jamais, réveiller ces gens-là, et puis pour les débattre, pour leur questionner, et puis pour les mettre aussi devant le fait accompli, devant donc l'atrocité qu'on voyons. Tu penses qu'il y a encore des gens, Mazel, ils soutiennent le coup d'État et tout ça? Et bien sûr. Même après qu'on a vu que le président Hosni Moubarak a été libéré. Mais ça, ce n'est pas une surprise, hein, pour certains. Celui qui, à mon avis, moi, donc personnellement, donc, c'était pas une surprise, parce que si on voit bien donc, la scène politique égyptienne, pas depuis le coup d'État, bien avant, même avant les élections, on a bien vu que la tête Moubarak est tombée, presque, on va dire. Hein. Elle n'était pas par terre déjà, elle était sur un lit transportable avec hélicoptère. Et puis le système Moubarak, il est resté intact. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il n'y avait pas donc un prisonnier politique à l'époque de Morsi. Il y avait donc le palais présidentiel qui était attaqué. Le ministère de l'Intérieur était absent. Donc on a bien compris depuis longtemps que Moubarak, il sera pas jugé. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas une surprise. Alors, pas du tout. Alors là, franchement, ce n'est pas une surprise, parce que quand on lit bien donc, le Meshred Timérologie égyptien, le Hali, donc c'est ça le résultat. Donc c'est pas une surprise, en fait. On n'était pas. Donc attends, demain il y a, je pense, d'après les infos que j'ai jusqu'à maintenant, il y a peut-être donc le procès des frères musulmans, donc le guide suprême des frères et puis ses adjoints, si je me trompe pas ou bien. J'ai pas l'information exacte. Oula. D'accord. Donc voilà, et puis après. Je sais qu'ils les font passer devant les juges, mais j'ai pas la date et tout ça. Ouais. C'est demain, tu voilà. dis. Voilà. C'est ça. Donc voilà, exactement, c'est ça. Donc non, maintenant notre rôle, nous, on est en train donc de aussi mettre la responsabilité, parce que c'est. Allô, il n'y a plus le son. Ah, problème de connexion. C'est ce qu'il m'affiche, Roya. Je suis désolé. Je pense que là, on a été coupé. Ouais, ça a été coupé, Khaouti, nous sommes en direct, donc notre auditeur, Mourad Salhi. Roya Mourad, tu m'entends? N'est-ce pas ou bien? Tu m'entends là? Oui, je t'entends, Samir, oui. Ouais, on a été coupé, il y a eu un blanc. Voilà, exactement. Je voulais juste dire, concernant ce qui s'est passé en Algérie, il y avait toujours les questions à lui dire, et puis plus on avance, plus il y a plus de questions, et puis la comparaison surtout, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, donc de ce qui se passe en Égypte. C'est pour ça qu'on aimerait donc tous ces pseudo-laïcos, franco, démocrato, modernistes, hein, ceux qu'ils ont appelés au coup d'État en Algérie, puis ils ne voulaient pas assumer les conséquences des un quart de million donc, de victimes, 25 000 enlevés forcés, les désastres, les scandales donc économiques ou sociaux, tout. Donc ils veulent pas assumer tout ce bilan. Maintenant on aimerait quand même les rappeler, ces gens-là, pour leur dire voilà, il y a l'espoir de l'Algérie qui se répète, mais en Égypte, mais c'est la même chose, et puis qu'on débat donc là-dessus. Donc c'est ça qu'il faudrait aussi mettre devant donc le fait accompli, ces responsabilités là et ces responsables. Et c'était donc Nourba. Parce que on a un sujet, et puis il y a quand même ce qui se passe en Égypte. Je trouve quand même que c'est au contraire, il faudrait qu'on parle. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, donc c'est plutôt ça. Maintenant, ce qui se passe en Égypte, c'est clair, on sait ce qui se passe maintenant. Oui, je le pense aussi. À mon avis, moi, c'est ce que je crois avoir remarqué, Billy. C'est vrai que dans cette classe-là, ce qu'on appelle les laïcs, ou les libéralines, ou les gens de gauche, c'est vrai que pendant un moment, kayn fihom nas bniyatom, bien sûr, c'est-à-dire que fihom notamment le qiyadat, ana adhon, c'est mon avis perso, le qiyadat, elles savent ce qu'elles font. Ala balhom blli rahom rayhin le coup d'état, ala balhom rayhin blli yhabsouhom, ala balhom blli ce que font les médias ce n'est pas normal, ala balhom blli on est en train de créer des problèmes économiques et tout pour aller vers la crise avec le gouvernement Morsi et tout, le Qiyadet. Mais parmi les gens qui sont sortis, par exemple en parlant de l'Égypte, les gens qui sont sortis, il y avait des gens bniethom et ils sont pas d'accord, etc. Ou andom leur une autre façon de voir, ils veulent une autre solution, etc. Mais je pense que la majorité des gens li andom niya, c'est vrai. Voilà, m'excuse hein. Mm-hmm. Allô. Oui, oui, je t'entends. Hein. Oui, Samir. Mm-hmm. Voilà, smahli. Hein. Je t'en prie. Oui, tu disais, les têtes, ça les... Ah, allô. Oui, il y a des coupures, hein, mais là, c'est revenu. Okay, là. Là, ça va, normalement, là, c'est bon, Samir. C'est bon, ouais. Voilà, eh. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Hein. Eh, peut-être non, mais c'est bon, non, écoute. Donc, on a quand même d'autres choses, finies à Tannes, on est bien d'accord, Samir. الناس هادو قال لك حنا ما لبناش ونا با ابلي لا فيولونس حنا ونا ابلي باش يحبس البروسيسور هكذايا دونك حنا يا با بروبليم اون فا اون فا سويفر هاد لو سونس نعيطو لهم نقول لهم الوغ فوني دركا يبي اكسبليكي نو عندنا دونك ان ماتش كي جو ان ديريكت اون ايجيبت ها جو سي با ما بايش الا شافوا ما بايش الناس راهم يشوفوا باللي راهي اون رافل با بوسيبل راهي لحقت Moi, ce que je voulais dire, excuse-moi, ce que je voulais dire, c'est juste que Billy, une bonne partie Nes Hadou, Fako, quand ils ont vu le coup d'État, et quand ils ont vu la violence et tout, qui s'est abattue sur Rabi al-Adawiya, Place Nahda et tout, qu'un bzef Nes, Fako, ils se sont réveillés en fait. Khlas, Hadi, Beyna, Billy, Ranafi, Kadiyat, coup d'État, Ranafi, Kadiyat, Unf, Ranafi, Kadiyat, Assouf, etc. Du coup, c'est. Je pense que les gens qui ont fait le coup d'État, c'est clair que maintenant, une bonne partie des gens qui étaient d'accord avec eux, khlas, ils les ont abandonnés. Ils ne peuvent pas soutenir. C'est pour ça qu'on a vu des gens comme Beredi, il a démissionné, etc. Parce qu'ils savent que la position, elle n'est pas défendable. Il n'y a plus rien à faire. Du coup, je pense qu'on peut considérer une bonne partie des gens, khlas, fako, ils se sont réveillés. Il y a les autres. Il y a les autres qui soutiennent la dictature, qui soutiennent les tanks, qui soutiennent les blindés. Hadou, c'est tout ce qu'on peut dire, yani. On peut pas. Mais sinon, c'est comparable à l'Algérie. Je suis tout à fait d'accord pour revenir à. Bien sûr. Non, donc à Samir, donc bon, pour finir, un point, on laisse les nazes les ramis. Non, un point, quand donc à l'imazel manas, c'est foutu. Mais c'est une autre. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait, tout à fait. À mon avis, hein, à mon avis. اللي لحقت انت دراري صغار يتحرقوا بالشيميك الناس يقول لك نو يقول لك لي تيروريست عطاو الدراري صغار لي برودوي هذوك حطوهم وماتوا سي اكشن كيفاش دونك سي بون كيما يقولوا ثاني في ليجيبت يقول لك باللي هذو سي المارتير ايه قال لك راهم يقتلوا في رواحتهم هما سي سويسيد دوفون لي كاميرا باش يوسخوا نو ان فيت فو با ديليري سي فري كي فو با ديليري داكور يا با بروبليم سامير ميرسي جو ريميرسي يا خو جو ميكسكيوز نقول لك علاش باسكو يا اليوم راه شويه لا كونيكسيون اللي با او توب مانيش حاب نصابوتي لك نخلي الناس راهم يسمعوا سلم عليكم يا سمير اي بي فوالا ميرسي ا توا بور تا بارتيسيباسيون خويا سي تري جونتي اي بي يسلموا عليك جي الناس معايا هنا يسلموا على الراديو ديالو سي سامبا واي ميرسي بوكو نسلم عليكم خاوتي ميرسي بور لا كونتريبيسيون اي بي ا تري بيانتو ان شاء الله ان شاء الله سمير صحيت ميرسي بونسواري صحيت خويا Voilà, voilà, Khaouti, c'était notre compatriote Mourad qui appelle de Suisse, algérien, donc qui nous a donné son avis sur, en fait, plus particulièrement sur les événements en Égypte. Je le rejoins, franchement, dans ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que Thomas, ce que vous en pensez. Vous pouvez participer à notre émission, Aïtona Abra Skype, pour participer. Skype, c'est HishaDZ. Pour donner votre avis, c'est en direct, il n'y a pas de censure, il y a juste de la discussion, on essaie d'être rationnel, on respecte les points de vue, il n'y a pas de problème. Donc, il est presque, il a 4 daqaiq bitouqit al-Jazair. Nous sommes toujours sur Radio Chicha et nous sommes en direct pour parler soit du problème de l'Égypte ou l'Égypte avec ce qui s'est passé, la libération de l'ancien dictateur, la dictature il est rejet en force et puis avec beaucoup de sang. Un autre sujet, c'est la corruption en Algérie. On a eu l'intervention tout à l'heure d'un des militants, d'un des responsables de l'Association nationale de lutte contre la corruption. Monsieur Fedal, qui nous a un peu expliqué les mécanismes hadou et qui nous a rappelé quand même certaines choses. Dans le cas de l'Algérie, quand même, c'est très grave, à mon avis, c'est mon avis perso. C'est vraiment très grave de constater ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, que la loi, elle est la loi, elle a fait marche arrière dans la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, on a droit, on a chauffé et puis dans les médias, etc. Il y a la lutte contre la corruption, Chakib Khalil, le mandat international aussi, et j'en passe, et des meilleurs. Alors que, la loi en Algérie, elle a fait marche arrière dans la lutte contre la corruption, parce que ils ont allégé les peines, ils ont allégé les délais de prescription, etc. C'est-à-dire que la réalité, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, la réalité, c'est que عندنا نظام تاعنا نظام الجزائري il ne veut pas lutter contre la corruption, bien au contraire. Et ça, à mon avis, c'est quand même une chose très très grave. On doit la signaler partout. On laisse une couloha, une aoudouha, une couloha, une aoudouha, jusqu'à ce qu'il y ait un remède. Hatta win, l'ouahid yalj le marad hada, le marad khatir, la corruption. Voilà, Khaouti. S'il n'y a pas d'autres appels, je remercie de toute façon les deux auditeurs qui sont intervenus juste avant, M. Fedal et M. Mourad Salhi. S'il n'y a pas d'appels, je vais vous passer un petit peu de musique. Allez, je vais vous passer la musique Teshnouif. Le groupe Ishnouien, si vous voulez bien. تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. ولا ولا خوتي، تستمعون إلى إذاعة راديو حشيشة على الإنترنت. ساعة راهي 9 بتوقيت الجزائر. نو سوم اون ديريكت دي ستوديو راديو حشيشة. Sinon, vous pouvez intervenir, Khaouti, comme tous les samedis soirs, on a l'émission Hadi, ça dure 2 heures. Les gens, ils peuvent intervenir s'ils veulent dire leur avis par rapport à l'actualité. On choisit comme ça des sujets, mais c'est pas obligatoire. Yani, s'il y a d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Sinon, pour participer, vous pouvez appeler Skype, Hachicha DZ sur Skype, pour passer à l'antenne. Nous sommes là en direct. Hachicha DZ, vous pouvez intervenir blarbia en français ou la blakbelia, aucun problème. Et ce soir, j'avais proposé le sujet à l'Égypte ou là, le sujet à l'Algérie, à la corruption. Il y a quel endcom? On a un appel de Sherif Aktash. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Khoya Samir, bonsoir. Marhaba bik, Sherif Aktash, algérien de Paris. Merci beaucoup pour cet appel. Merci à toi, mon ami, merci. Moi, je voulais intervenir toujours sur l'Égypte, en fait, hein, parce que c'est quand même, ça reste l'événement, vu la gravité, vu les victimes, les massacres, etc. Et c'est vrai que je voudrais quand même, j'aimerais bien aborder le sujet d'un point de vue échange et communication, on va dire, et les différentes approches justement dans le traitement du sujet. J'ai entendu beaucoup de choses qui se disent, on les entend tous, hein, et j'avais vu aussi ton intervention sur ta vidéo par rapport justement à l'intellectualisation du sujet humanitaire, on va dire, hein, et des drames qui sont en train de se passer. Et j'aimerais bien justement intervenir par rapport à ça, parce que j'avais quand même entendu pas mal de choses que je ne voudrais pas, sur lesquelles je ne voudrais pas porter un jugement, mais qui méritent quand même, on va dire, allez, un regard de près, on va dire, hein, notamment sur le, sur, enfin voilà. Moi, je pense que toutes les approches se valent, que ce soit, il y a des approches humanistes. Il y a des approches géostratégiques, il y a des approches politiques, il y a des approches historiques, mais il n'est pas logique qu'une des approches commence à nier l'autre. Ça veut dire que celui qui est passionné par l'histoire, il va dire que les gens qui parlent politique ou qui désignent certains responsables, bon, que c'est pas une bonne analyse. Ceux qui ont une approche sociologique ou psychiatrique ou géostratégique, disent que bon, c'est de l'émotion, c'est bien un moment, mais ça va. Moi, je pense que toutes les approches se valent et elles sont complémentaires. Et tous nos concitoyens, ceux qui ont, par exemple, plus de connaissances en psychiatrie, ben, c'est bien qu'ils apportent leur soutien ou leurs analyses. Ceux qui ont des connaissances en géostratégie, en politique, en histoire, ils sont les bienvenus et c'est très très très bien. Même moi, je suis content quand même de voir pas mal de gens intervenir selon différentes approches. De là à nier des approches ou dire qu'une approche est plus valable qu'une autre, je trouve là qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas partial, on n'est pas objectif, quoi. L'émotion, oui, elle est très importante, parce que et je vois quand même qu'il y a un problème de temporalité et d'urgence, et ça, j'insiste dessus et je vais le répéter. Et moi, je répète toujours et je trouve que c'est bien de répéter, c'est indispensable. Il y a un problème de temporalité. Ça veut dire qu'on nous entraîne dans des analyses, certes complexes et peut-être intéressantes, mais on s'éloigne d'un sujet urgent. Moi, si j'étais psychiatre, que j'ai un psychotique en crise, en plein délire et en crise qui arrive à mon établissement, je ne vais pas me diriger à établir une anamnèse. Je ne vais pas revenir à chercher à ce moment-là son histoire et quels sont les souvenirs ou les éléments qui sont impliqués dans son délire et son urgence. Il pète les plans, je me dois d'abord de traiter l'urgence. Et ça, c'est établi en psychiatrie ou en psychologie clinique, quelle que soit son inspiration, hein, comportementale, analytique, etc. Donc, ça, c'est établi. Quand on a une urgence, on traite d'abord l'urgence, et après, quand la crise passe, quand la personne ou le délire s'atténue, on commence à chercher avec la personne c'est son anamnèse, c'est son contexte familial, son contexte, on va dire, du travail professionnel, etc. Et toutes les influences, non seulement qui contribuent à maintenir la crise, mais aussi qui ont contribué à lui donner sens. J'ai entendu quand même des choses un peu étonnantes, hein, quand on parle dans ce contexte-là. Et on dit que les frères musulmans, c'est des gens qui nous laissent un petit peu sur la victimisation. Moi, je trouve quand même assez déplacé que lorsque des enfants, lorsque des femmes et lorsque des hommes se font tuer et brûler, on parle de victimisation. Au mieux, c'est une minimisation de la souffrance de l'autre. Et au pire, c'est même du déni. Et le déni est un mécanisme de défense purement psychotique. Chez les gens qui décompensent et qui deviennent en crise, c'est un déni, mais chez le déni existe aussi sous forme de mécanisme, même chez les gens qui sont censés être normaux. On dit très bien, Freud l'a très bien démontré, que la maladie psychologique et les troubles psychologiques ne sont qu'une loupe pour nous démontrer les mécanismes dans les états normaux. C'est une loupe seulement, mais les mécanismes existent toujours. La phobie, c'est un trouble, mais sa source, c'est la peur qui existe chez tout le monde. Donc il y a des gens aussi qui sont normaux et qui fonctionnent sous forme de déni. Donc moi, si j'avais à mettre des mécanismes en valeur, des mécanismes psychologiques ou des troubles psychologiques ou des dysfonctionnements par rapport aux gens normaux psychiques, dans cette situation actuelle, hein, je ne mettrais pas la victimisation, je mettrais plutôt le déni. Le déni qui est un mécanisme, comme je disais, psychotique et qui sert à dénier, comme chez nous on dit « n'ratte shims bel rebel », c'est ça le déni. C'est pire le déni que ça, ça veut dire « je nie même l'existence du soleil ». Je le nie complètement. Et c'est ça le déni. Et le déni entraîne beaucoup d'autres choses. Non seulement chez les personnes qui ont juste un dysfonctionnement, comme les anorexiques par exemple, il sert à rationaliser après. Une fois qu'on a dénié la chose, on essaye de la rationaliser en l'intellectualisant, en trouvant des prétextes intellectuels. Ça, chez les états limites et chez les anorexiques. Par contre, chez les psychotiques, non seulement on dénie la chose, mais on se crée une néo-réalité. Ça veut dire que la personne, elle va commencer d'abord par nier la souffrance de l'autre, mais aussi elle va créer une néo-réalité. Elle va substituer une réalité illusoire, créée de toutes pièces, mais qui l'arrange, pour remplacer la réalité exacte, la vraie réalité. Et c'est ça. Donc je tenais vraiment à dire ça, parce que j'ai trouvé quand même assez étonnant et assez grave ce déni de la souffrance de l'autre. On sait très bien, par exemple, en Occident, il y a des cellules psychologiques qui interviennent sur les catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des cas de viol ou d'agression. Et la première des choses à faire, c'est l'écoute de la souffrance. Et ne pas chercher à comprendre si la personne elle est responsable ou pas quand elle est victime, c'est d'abord l'écoute de la souffrance. Quand on écoute la souffrance et on lui laisse l'espace d'expression, on pourra plus tard établir un travail psychothérapeutique pour définir non seulement les causes et les déclenchants et ce qui maintient la crise. Excusez-moi, je m'attarde un petit peu là-dessus, parce que je trouvais ça important quand même de relever là-dessus des choses, quoi. En disant ça, Rouya Chérif, excuse-moi, oui. En disant ça, tu penses c'est-à-dire à tous ces, en fait, c'est des choses qu'on a retrouvées dans la presse, dans certains articles, dans certains médias, notamment télévision, surtout égyptienne, mais pas que, en fait, on a vu comment Nahar et tout, elles ont eu ce type de position, en fait, par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai voulu juste, parce que j'avais entendu un de nos confrères, un de nos concitoyens, que je salue au passage, qui était pédopsychiatre, qui a justement utilisé des concepts psychiatriques pour regarder la chose, etc., bien qu'il n'était pas partial, il n'était pas complètement indépendant, il avait d'abord son avis à lui, parce qu'aussi, quand on met tout sur les islamistes, j'insiste là-dessus, hein, quand on met tout sur les islamistes, c'est aussi un mécanisme de défense psychotique qui s'appelle la projection. Ça veut dire que la projection est un phénomène inconscient sur lequel on va déverser tout ce qui est en nous et qui est insupportable on va le déverser sur l'autre, on va le projeter sur l'autre. C'est aussi un mécanisme de défense psychotique. Donc voilà, c'est juste parce que j'avais entendu ça, et c'est aussi la réalité qui se passe au niveau des médias, au niveau des la société, les médias, les opposants, etc. Au lieu de se remettre en question, au lieu, aujourd'hui, il y a des choses évidentes qui doivent nous permettre de nous remettre en question. Ce n'est pas une honte de nous remettre en question. Ce n'est pas une honte. Moi, quand je vois Ali Belhaj qui a changé de discours, par exemple, bien que je ne le soutiens pas du tout, et demain, s'il se présente, moi, je ne suis pas pour, hein, je le dis honnêtement, mais on voit quand même son évolution. Il ne faut pas interdire à Ali Belhaj ou à quiconque d'avoir évolué dans le discours et dans la perception des choses. Sinon, on se condamne nous-mêmes tous au drame. Si Ali Belhaj et si certains islamistes, pendant ces années, ils ont évolué de manière à reconnaître certains concepts de la démocratie et ne pas reproduire leurs erreurs, c'est tout à leurs honneurs et il faut les encourager pour qu'on puisse discuter avec eux. Et on trouve un langage commun. Donc il ne faut jamais condamner les gens ou se dire, tiens, voilà, faire dork. Non, il faut dork, mais faire chlas. Nous encourageons tous nos concitoyens et nous nous encourageons nous-mêmes à avoir cette élasticité d'esprit, cette élasticité psychique qui fait que on puisse à un moment donné laisser nos anciennes convictions erronées et se mettre à jour et se remettre en question et changer d'avis quand il est nécessaire que ça soit positif. Moi j'encourage même les islamistes qui ont été sur des positions à évoluer et personne n'est condamné à la stagnation. Tout le monde a le droit d'évoluer, et même Ali Belhaj. Et par cette occasion, je dis quand même que Ali Belhaj, quand on le compare avec Nazar, et je parle toujours de Nazar, hein, et je ne m'arrêterai pas de parler de Nazar ou de Toufir, hein, quand on met Ali Belhaj et Nazar au même truc, Ali Belhaj a quand même dit qu'il était prêt à aller devant n'importe quel tribunal international ou interne. Il est prêt. Donc oui, moi je ne dis pas qu'il est innocent, je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, sauf que lui, il est prêt quand même à le faire. Hein. Il est prêt à le faire. Donc, quand on parle de Nazar aussi, on ne parle pas de Nazar comme ça ou en tournant en rond, comme disent certains. On parle de Nazar parce qu'il était à ce moment-là, quand même, au moment du drame algérien, il était responsable, il était ministre de la Défense. Et qu'on ne nous renvoie pas quand même à l'histoire quand on parle de Nazar. Parce que aller dire encore maintenant aux familles des disparus, à ces bonnes femmes-là, ces courageuses femmes qui sont sous le soleil tous les jours en train de revendiquer où sont leurs enfants, allez leur dire, vous avez rien compris à l'histoire, allez revoir l'histoire. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Quand on dit qu'on parle de Taufir et que Taufir, on ne sait même pas s'il existe, ben, les mêmes personnes parlent des unités 192 et des escadrons de la mort alors qu'on ne les a jamais vus aussi. Hein. Alors, faut savoir, à un moment donné, il faut avoir un discours cohérent. Voilà quoi. Donc moi c'est tout ce que j'avais à dire sur la construction des arguments voilà. Et on voit très bien que notre presse elle est tombée là-dedans. La meilleure preuve c'est le Moubarak qui est dehors. Qu'est-ce qui démontre Moubarak qui est dehors? Parce que franchement nos intellectuels faut pas trop non plus les suivre aveuglément sous prétexte qu'ils ont des diplômes ou quoi que ce soit. On sait ce que valent ces diplômes là on accueille très bien leurs analyses, il n'y a pas de souci, mais il faut pas que ça soit avec condescendance et avec mépris de la population en la victimisant sur son histoire ou sur sa compréhension des choses. On voit très bien aujourd'hui que nos peuples, les masses sont plus intelligentes. Attention, mais ils sont en train de nous faire un sale coup. Tu parles à un intellectuel, il attend jusqu'au moment où le Baradei soit arrêté, ou Moubarak soit dehors, pour comprendre que tout son soutien au départ, toute sa focalisation sur les islamistes au départ, n'était qu'une supercherie. Alors, il faut faire très très attention. Il y a des discours très très populaires, mais qui sont très éveillés et très lucides. Et ce n'est pas les diplômes et les discours académiques qui vont avoir le dessus là-dessus, et on a la meilleure preuve. Ben voilà, maintenant Moubarak il est dehors, et c'est grâce aussi à certains arguments, c'est grâce à certaines analyses complexes tirées par les cheveux, hein, il faut le dire aussi, hein, on a essayé dès le début de nous dire, attendez, vous défendez les islamistes, etc. Ben non, le cas se confirme et on voit très bien comment il est dehors. Maintenant, moi j'appelle tout le monde quand même à ne pas avoir ce complexe. Moi, quand je parle des États-Unis et je parle de l'Occident, moi, j'ai une éducation double. Hein. J'ai reçu les deux éducations, française et algérienne. Ça me donne un recul quand même, mais ça me donne aussi le moyen et le confort de critiquer l'Occident sans être anti-Occident. Moi, quand je parle de l'Occident, j'ai parlé de la position de l'Occident bien dans un cadre bien précis. Je n'ai pas parlé de la technologie, je n'ai pas parlé de la médecine, je n'ai pas parlé des peuples. Je vis au milieu de ces peuples-là et je les connais très bien et beaucoup me soutiennent dans ce que je dis, malgré qu'ils sont, ils sont même pas de chez nous. Hein. Mmh. Donc, je n'ai pas le complexe du colonisé. Hein. Je me suis débarrassé de ça et j'invite nos concitoyens, quel que soit leur niveau, à se débarrasser de ça aussi et se permettre la critique, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui va nous faire évoluer. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Il faut apprendre à se le mettre en cause, absolument. Exactement. Voilà, donc, bon, par rapport à la corruption en Algérie, ben, on remarque toujours, hein, et on revient aussi à Tofir et à Nzar, hein, parce que, voilà, sans revenir à l'histoire, ils sont représentatifs des DAF, hein, c'est le système qu'ils nous ont mis. Moi, je salue notre ami Halim, je salue tous les Algériens qui s'appliquent dans ce sens-là, c'est très très bien, c'est tout à leur honneur, mais c'est vrai que je me pose quand même une question. Les gens qui ont osé assassiner Boudiev, parce que justement il a abordé ces dossiers-là, comment pourrait-il aujourd'hui nous mettre des lois qui pourraient les interpeller un jour par les peuples? C'est très très compliqué. Je ne sais pas comment, où on va aller. Je pense, mais je trouve que comment ces gens-là vont permettre des lois qui vont les remettre en question, alors qu'ils sont quand même allés jusqu'à assassiner un homme qu'ils ont eux-mêmes mis au pouvoir, parce que les dossiers aident-moi. Donc ça va être très très compliqué, mais j'encourage quand même les dénonciations de nos citoyens, leur implication et les Algériens qui travaillent dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'était par rapport au traitement des sujets, les arguments et la corruption. Très bien. Et je te remercie beaucoup, Samir. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Chérif Akdash de Paris, tu peux intervenir quand tu veux, Roya, n'hésite merci pas à beaucoup. Rappeler. Merci beaucoup, Taïch Bislama. Merci, bonsoir et bonne continuation. Merci à toi aussi, mon ami. Merci. Merci, Khouya Sherif. Jazaïri, من عنابة, ساكن وقاطن في فرنسا. Intervention très intéressante. Il a introduit des éléments qui sont très intéressants, à mon avis, notamment sur ce qui se passe en Égypte, là, et la façon un peu de présenter les choses par certains. C'est un point de vue, hein. Les autres, ils ont le droit d'avoir un point de vue. Et comme il avait dit, toutes les analyses se valent. Il ne faut pas hésiter à voir le problème de plusieurs façons pour comprendre un peu ce qui se passe. Et surtout, à mon avis, je rajouterai ça, ça permet d'éviter l'ouahed qui me coule, il se fait avoir. Et, ça, on a vu comment les gens... c'est ce que je pense, des gens naïfs, sincères, ils sont pas islamistes, ils sortent dans la rue pour manifester contre les islamistes, c'est un droit politique. Attention, Bark, à ne pas être utilisé par des gens qui vont commettre des crimes, des gens qui vont faire des coups d'État, des gens qui vont tout casser, et en utilisant la naïveté là de certains, que je trouve Chérif Akdash l'a bien analysé du point de vue psychologique, où là il a présenté quelques aspects comme ça psychologiques qui effectivement voilà, c'est-à-dire on efface la réalité. Moi j'ai vu ma vidéo que j'ai fait sur YouTube à propos des événements, j'ai dénoncé un peu la sauvagerie de l'intervention sur les gens en Égypte. Et j'ai vu comment certains sont venus m'insulter d'une manière incroyable. Je me suis fait yanner une petite série comme ça de gens qui me disent, eh ben ferme là ta gueule, etc., etc. Ou hadou gars, soi-disant, ils sont anti-islamistes, donc ils s'autoproclament comme ça démocrates et tout. Et on a vu chez ces gens comment ça peut vraiment déraper jusqu'à être un fasciste en bonne et due forme, un discours fasciste, fascisant. Un discours qui appelle au meurtre, qui justifie le meurtre, qui applaudit le meurtre, qui dit « allez, encore plus de sang », etc. Il n'y a pas plus violent que ça. Et ces gens s'autoproclament démocrates. Donc, il y a un sérieux problème parce que la démocratie est vraiment loin de ça, en fait. À mon avis, la démocratie, c'est mon avis. parce que je continue à croire à la démocratie et je pense que même pour aller un petit peu plus loin, c'est juste un petit avis, après je passerai un petit peu de musique. Et puis si vous voulez appeler Haouti, c'est sur Radio Hachicha et sur Skype, si vous voulez participer sur Skype Hachicha DZ pour passer à l'antenne. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'Égypte, c'est que le but, il est évident, le but de ceux qui sont en train de commettre tous ces crimes, on voit bien que c'est un plan. C'est un plan, il est terrible ce plan, parce que d'abord il est très violent, parce qu'il a des objectifs à long terme, il a le soutien du monde entier. Le monde entier, l'hypocrisie. T'as l'hypocrisie, Haddar, Monsieur Haddar Yazid, il va intervenir. Je prends tout de suite un autre intervenant. Allô, salam alaikum. L'hypocrisie. Allô. Allô, salam alaikum, Haddar Yazid. Merci beaucoup pour l'appel. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, marhaba bik. Ouais, j'appelle pour la deuxième fois parce que je suis intervenu la semaine dernière. Très bien, merci beaucoup pour l'intervention. J'appelle ce soir, c'est tout simplement, c'est par rapport à ce qu'il a dit, le monsieur qui était précédemment, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Mm-hmm. Si vous avez parlé maintenant un petit peu par rapport à votre vidéo, et puis après, la manière dont les gens, ils intervenaient, la violence, la virulence de ces mm-hmm. interventions, mm-hmm. y compris, c'est-à-dire... pas question des islamistes ou des démocrates ou autre chose. Hein. Mmh. C'est la différence seulement que les démocrates, ils interviennent verbalement, ils sont tellement dans une violence verbale que les islamistes, c'est-à-dire ils ne sont pas dans la violence verbale parce qu'ils ne disent pas des gros mots et tout ça, mmh. mais par contre, ils sont dans la violence physique. Mmh. C'est-à-dire qu'ils excluent l'ennemi, en quelque sorte, par la violence physiquement, mais par contre... Le démocrate, entre parenthèses, le démocrate algérien ou dans le monde arabe, il exclut son l'autre en quelque sorte, il exclut par la violence verbale. Mm-hmm. Et toi, tu veux dire qu'on ne doit pas mettre les deux violences sur le même plan, c'est ça? Mais si la violence en elle-même, comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est en aval, c'est physique ou verbal, c'est la même chose. C'est la différence, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui ne meurt pas. C'est la seule différence. Mais par contre, en amont, c'est-à-dire la réflexion en elle-même, c'est tous les deux, ils sont dans le manque de tolérance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à remettre en question leur façon de voir les choses. Ils n'ont pas appris à tolérer les autres. C'est-à-dire on a construit une société, en quelque sorte. Je crois qu'il y a M. Slimane Midar, c'est un grand sociologue algérien, que malheureusement, qui n'est pas très très connu, mais qui a écrit des livres qui sont très très intéressants. Qui s'appelle comment, juste pour Slimane, le noter, Slimane Madhar. Madhar. D'ailleurs, il vient de publier un livre aujourd'hui en Algérie, hein, parce qu'il est enseignant à Bouzaria. Même il est invité un peu partout dans le monde, mais quand même, il est resté en Algérie. Je trouve que c'est un monsieur qui a fait un très très bon travail par rapport à cette question de la violence en Algérie. Et je pense qu'il a tout à fait raison, qu'il renvoie seulement la violence. Elle n'est pas seulement une question d'un problème, des questions politiques. Non, il voit plus loin. C'est qu'il dit que la violence, elle fait partie de nos traditions. Je vous donne un exemple très simple. La semaine dernière, j'en ai intervenu par rapport à une situation... par rapport à votre émission. Mm-hmm. Je me rappelle, j'ai cité un exemple. Il y avait un monsieur, par exemple, aux événements qui s'est passé à Tizi Ouzou, plus exactement récemment, quand ils ont mangé le ramadan le jour. Au lieu de prendre cette journée-là comme une journée de l'expression, de liberté et tout ça, bon, et les autres, ils ont pris ça comme une insulte, comme par exemple... il y avait une violence à l'égard de ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas été violents. Ils sont pas partis pour brûler des mosquées ou là, ils n'ont pas. Non, non, ils sont manifestés pour réclamer une certaine liberté ou d'exercer une forme de liberté qui est assurée par la Constitution et que malheureusement, qu'elle n'est pas exercée par la société. C'est-à-dire elle existe sur le plan constitutionnel, mais elle n'est pas exercée sur le plan social. Mais malheureusement que ces gens-là, ils ont reçu des menaces de mort, certains. D'autres ont été insultés. C'est-à-dire entre Samia, qui a été insultée dans les rues de Tizi Ouzou, et entre un autre chanteur qui a eu une menace de mort. Donc, entre les, c'est-à-dire ça, c'est de la violence à l'égard de ces gens-là. Vous voyez ? Non, absolument, absolument. Il y a ça. Je reviens, il y a ça. Et puis après, je reviens à un chroniqueur dans le journal Chorou, plus exactement, où il écrit « Ash-Shayatin ». Vous voyez ? Il écrit « Ash-Shayatin ». Et en lisant l'article, pour montrer sa, soi-disant, sa, son... soi-disant, il veut être un musulman à 100%, je ne sais pas comment. Il fait partie des imams soit de la haute commission islamique, un truc comme ça. Il montre, il dit qu'il se souvient quand il était étudiant en Koweït, et lorsqu'il a vu des Palestiniens chrétiens, ils n'ont pas fait le ramadan. Alors, les trois copains, il les cite dans l'article, hein, ils sont partis pour les frapper. Il a écrit ça dans l'article. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement c'est un appel à la violence, il est content de faire la violence. C'est-à-dire, l'événement lui-même, ce n'est pas intéressant. C'est l'analyse, comment les gens voient l'événement. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, cette violence-là qu'on a pour régler ces problèmes-là. Donc, le problème, c'est, je rejoins mon collègue qui était avant, c'est un problème vraiment, c'est pas seulement psychologique, mais moi je pense il est plus dans le mécanisme de pensée des Algériens ou de monde arabe ou je ne sais pas, en fait dans l'islam lui-même, que les choses qu'on n'arrive pas, ou l'islam que nous on l'a transmis aux gens, c'est que dans cet islam-là il y a des mécanismes qui font appel à la violence et que jusqu'à maintenant on n'ose pas le dire. Il y a des gens qui osent le dire, ils ont été calmés. Mais il y en a d'autres qui osent, ils le savent, ils ne le disent pas. Mais il faut qu'un jour les gens le savent, il faut qu'ils le disent. C'est-à-dire juste cette dernière, juste un petit peu de précision. Par exemple, la lapidation des femmes, l'injustice à l'égard des femmes, par exemple dans le musée. Parce que la femme, à l'époque du prophète, effectivement, elle a besoin d'un protecteur. Ce n'est pas le cas de maintenant. La femme, elle travaille, elle gagne bien sa vie, elle a des lois. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, la femme, elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle est déjà protégée par la loi. Il y a des lois, elle a les mêmes égalités, disons, devant la loi. Et donc, dans la tradition, ils disent... Si votre femme n'arrive pas, il faut la frapper. C'est-à-dire, il faut que montrer la domination de l'homme sur la femme. Ça, c'est, je ne sais pas si je peux me permettre. Ça, ce sont des interprétations qu'on peut faire. Les interprétations ne se ressemblent pas tous. Il y a des écoles d'interprétation. C'est exactement ça que je. C'est-à-dire, c'est. Et tu penses que c'est lié. L'interprétation qui a été faite par les hommes et qui donne. Il y a une forme de mécanisme de pensée qui donne une permission ou une banalisation de la violence. Je vous donne un exemple en Algérie. Je reste dans ma logique de la tradition. Vous prenez par exemple, en Algérie, on tue les chats, on tue les animaux. Et c'est un événement. On montre les enfants, ils assistent à ça, ils voient cette violence-là. Pour tuer un chat. Il le lance avec des pierres et tout ça. Et ça, c'est une violence. Et je continue hein, toutes ces formes de violence. Je ne parle pas des violences que, par exemple, un père qui frappe son fils, ou la gifle, ou là, tout ça. Ça, c'est vraiment très minime par rapport à d'autres formes de violence qui existent, qu'elles sont ancrées, elles imprègnent notre façon de voir les choses. Même. Si vous arrivez, c'est-à-dire même si vous avez réussi à sortir de ce mécanisme, de cet environnement de violence, et là, quand vous êtes par exemple ici en Europe, où vous n'avez pas cet environnement, disons, violent, où les gens ils disent bonjour le matin et tout ça, vous arrivez à ces endroits-là, vous allez vous rendre compte effectivement que vous-même, si vous êtes conscient, que vous-même vous êtes porteur d'une violence. Et là, vous dites, ah, là, il y a un problème, là. Je me sens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Si on fait ce qui se passe par rapport à la question de la corruption, j'ai écouté le monsieur qui était avant, qui parlait de la corruption. C'est exactement la même chose par rapport à ce qui se passe en Égypte. Par exemple, cette banalisation de la violence. C'est pour cette raison, la semaine dernière, j'ai parlé qu'il faut qu'on, les intellectuels algériens et du monde arabe, ou des imams, ou je ne sais quoi, il faut qu'ils réfléchissent à cette question de la violence, mais il faut qu'ils la réfléchissent vraiment d'une manière un peu plus lucide, raisonnable, et pas d'une manière un peu populiste et populaire. Donc, vous voyez. Est-ce que tu ne penses pas, Billy, par exemple, tu as donné quelques explications sur qu'est-ce qui pourrait amener à la situation de violence et tout. Est-ce que tu ne penses pas, Billy, par exemple, il y a une violence institutionnelle? Là, je parle de notre pays, mais je pense qu'on peut aller au-delà de notre pays, même ici en Occident. Est-ce que tu ne penses pas, Billy, il y a une violence institutionnelle? Par exemple, est-ce que, par exemple, le chômage, la misère, c'est pas une violence qu'on a fait aux gens? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut déclencher la violence aussi comme résultat, comme conséquence ou là comme réaction? Est-ce qu'il n'y a pas de violence institutionnelle? Oui, c'est une violence institutionnelle. Il ne faut pas oublier les gens qui sont dans ces institutions-là, ils sont des Algériens, comme nous. Vous voyez? Donc ils réfléchissent du même mécanisme comme nous. En fait, ouais, mais en disant institutionnel, je pense aux institutions, c'est-à-dire, par exemple, on a un État qui est, de par sa justice, ses lois et sa police et ses services de sécurité, etc. Est-ce que ils peuvent pas être la cause et la conséquence de la violence? Est-ce que, par exemple, le système, moi perso, c'est mon analyse que peut-être les gens ne partageront pas, mais le système capitaliste qui fait que dans une société, il y a des gens qu'on maintient à peine en vie pour qu'ils travaillent, et ça, c'est la classe ouvrière, la classe les pauvres, la classe des gens qui vont aller travailler la terre. Est-ce que c'est pas une violence aussi, en fait, envers les gens? Si, c'est une violence. Comme je vous ai expliqué, c'est que seulement ces gens-là, par exemple, moi, je suis toujours étonné. Comment, par exemple, en Algérie, il y a des lois. Le monsieur, vous l'avez bien expliqué, pour contre la corruption. Il y a des lois et tout ça et tout. Mais comme il y a un grand problème, c'est qu'il n'y a pas l'autonomie de la justice. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui veulent faire, ils n'y arriveront pas. Ils sont toujours condamnés. Donc ça, c'est une violence déjà. Le fait qu'il n'y a pas l'état de droit, c'est une forme de violence. Donc, déjà, pour arriver arriver à une forme de tolérance ou à une forme de amoindrir un petit peu ces violences-là, puisque la corruption en elle-même, elle est violente. C'est très violent, la corruption. Les militants, là, c'est ce qu'il a raconté tout à l'heure, monsieur. Les militants, ils sont harcelés juridiquement, etc. Quotidiennement, oui, je sais. Et il y a des gens qui ont souffert avec de leur propre corps. Pourquoi les gens maintenant en Algérie, ou dans les pays comme en Égypte ou d'autres pays, qui s'investissent même pas dans ce domaine-là pour la lutte contre la corruption et tout ça? C'est pas que ça. Il y a d'autres choses aussi. Pourquoi les élites ou pourquoi les intellectuels dans le monde, ou en Algérie, je parle que de l'Algérie, pourquoi les intellectuels algériens n'investissent plus la vie politique algérienne? Tout simplement, ils ont une violence à leur égard. Une violence, une double violence. Parce que si on dit la vérité, le peuple il sera contre toi. Et si on ne dit pas la vérité, on dit les choses dans le sens du pouvoir. Donc forcément, les autres qui vont l'opposition, ils vont dire ah non, vous êtes avec le pouvoir et tout ça. Mais moi, je pense que tout le monde est complice de ce qui se passe maintenant. Tout le monde est complice. L'intelligence, on l'a complètement écartée. L'intelligence, elle a été écartée, ce n'est pas seulement du pouvoir algérien. Parce que le pouvoir algérien, il a mis tout pour faire écarter ces gens-là. Moi, je me rappelle bien, en 1995-1996, quand j'ai parlé à l'université, une fois, il y avait quelqu'un, un islamiste, il vient, il me dit, mais vous avez des idées comme les pays occidentaux, et pourquoi vous n'allez pas là-bas? Je dis, pourquoi? Je n'ai pas le droit de dire ce que je pense ici. Vous voyez, je reçois de l'harcèlement tout le temps pour quitter l'Algérie. Donc j'ai tout, mais en quelque sorte, cet harcèlement-là, je le vois dans ma vie au quotidien. Je n'arrive pas à être heureux dans mon environnement. Je suis complètement étranger dans mon propre environnement. Les valeurs dont moi je défends, dont moi je crois, je les vois pas dans mon environnement. Donc dans ce cas-là, je peux pas être dans cet environnement. Vous voyez, donc c'est une violence très très violente. Vous allez parler avec les Algériens qui sont un peu partout. Vous allez, est-ce que si on était heureux chez nous, est-ce qu'on viendra en France? On viendra jamais. C'est pas une question d'argent seulement. C'est une autre question. C'est que les gens ils réduisent, mais c'est plus que ça dépasse complètement la question de l'argent. C'est une question que il y a pas de liberté. Tu ne peux pas y aller avec ta femme. Tu sors avec ta femme ou avec tes enfants, tu seras harcelé. Les gens qui t'insultent, les gens ils regardent comment ta femme elle est habillée, ou les gens ils disent des gros mots. Tu ne peux pas aller dans un petit parc. Tu ne peux pas aller prendre une petite, je sais pas moi, une boisson sur une terrasse. Tu ne peux pas. Tout ça, c'est des manques. Tu peux pas aller acheter un livre comme tu le souhaites. Tu peux pas y assister à des activités culturelles comme tu veux. Tu vas aller au cinéma, tu trouves, c'est entre parenthèses, je suis désolé pour dire le terme, c'est des maisons de prostitution. Tout simplement, on a enfermé tous les lieux de liberté pour les jeunes. Les pauvres, ils ont besoin de se caresser ou je ne sais quoi. Ils trouvent pas d'autres lieux, ils trouvent que le cinéma. Donc, ça devient, on peut pas aller en famille au cinéma algérien. C'est violent tout ça, c'est des violences. Ce qu'on a fait d'une culture de la de réprimer les pulsions, réprimer soi-disant les violences et tout ça. Mais regardez ce qui s'est passé pendant le Ramadan. C'est pendant un mois, il y avait 50 enfants violés sexuellement pendant le mois de Ramadan. Ça c'est des informations qu'avait donné une association qui avait fait un travail sur ça. Mais vous voyez, donc c'est des situations comme ça. C'est grave, ça. Est-ce que, Sadir, en disant ça, moi je me dis, si je peux me permettre, corrige-moi Yannis, si ce n'est pas ton avis, est-ce que, en parlant des gens qui sont partis à l'étranger, je pense qu'une grande partie de ceux qui sont partis à l'étranger, ils ne sont pas partis parce que, à mon avis, parce que ils n'ont pas d'accès au cinéma et des choses comme ça, à mon avis. Les gens qui sont partis en majorité, c'est souvent les problèmes d'insécurité sur leur vie ou la vie de leur famille. Ce sont les problèmes de chômage aigu, souvent, qui fait partir les gens. Et il y a aussi, c'est-à-dire souvent, c'est le fait de, il doit sauver sa vie, mais réellement, après, je me dis, est-ce que, bien sûr, je ne reviens pas sur la violence qui est faite sur certains, et puis comme tu es en train de la rappeler, moi je n'ai rien à dire sur ça, bien sûr, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi, je veux dire, quand on n'est pas en compatibilité avec sa société, c'est jamais évident, tu vois. C'est-à-dire, c'est la loi de la minorité. On est différent, je suis d'accord. Et on a le droit de l'exprimer. Moi, je conçois totalement ça. Mais il ne faut jamais oublier, on est une minorité. Si une minorité, elle essaye d'imposer à la majorité sa façon de voir, on est un peu dans le monde à l'envers, en fait. Chose qu'on a vu un peu dans nos pays, on a vu en Égypte, on a vu en Tunisie, comment une minorité qui a une façon de voir les choses, qui est la sienne, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est une autre question. Mais une minorité qui essaye de dire à la majorité, c'est comme ça qu'on doit vivre, il y a un peu un problème de logique, un peu un problème de cohérence, non? Non, ce n'est pas une question de logique ou de cohérence. C'est seulement, en fait, si vous prenez la Tunisie ou l'Égypte, la Constitution n'a jamais, par exemple en Égypte, elle n'a jamais interdit de diffuser des films, quel que soit le... Vous voyez? Donc, ils ont exercé ce que la Constitution leur dit. ce que le problème, ce que la société n'arrive pas à suivre la constitution. Ce n'est pas le peuple qui a fait les constitutions généralement. Et au lieu que les politiques ou les gens, les dirigeants comme Bouteflika jusqu'à Bondiane ou même ceux qui étaient avant, malheureusement les dirigeants qu'on avait, on n'avait jamais eu un dirigeant intelligent. On avait toujours des dirigeants, malheureusement c'est des dirigeants nationalistes et abrutis. C'est des gens qui n'arrivent pas, ils ne voient pas loin. Ils voient plus leur propre grandeur que la grandeur d'un peuple. Donc, vous voyez, donc il faut qu'ils... C'est-à-dire qu'on a besoin des gens, je crois que c'est une experte allemande, une fois a été invitée par le journal Le Watan dans une conférence à Alger, où elle dit c'est que l'Algérie elle a besoin d'un sauveur, mais un sauveur intelligent. Donc il faut quelqu'un qui soit intelligent pour construire un vrai système démocratique et républicain, mais on lui donnait, c'est-à-dire en accompagnant tout le système pour lui donner cette liberté-là. C'est-à-dire ce n'est pas en titre, pas seulement au niveau de la Constitution. C'est-à-dire il faut accompagner les citoyens d'avoir leurs propres droits et d'avoir leur savoir le droit et le devoir. C'est, ouais. Par exemple, je m'arrête seulement à cette question, ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. En fait, si on voit la réalité des choses, ces gens-là, ils étaient tranquilles avant. Il y avait des restaurants qui respectaient les normes, ils mangeaient dans ces restaurants-là, et c'était discret, c'était comme ça tout le temps. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on était tout le temps comme ça, il n'y avait aucun problème. Mais c'était après l'année dernière et cette année... Et il y avait des gens qui vont, c'est des policiers qui entrent dans, qui veulent fermer ces endroits-là. Mais ils sont très bien, ils sont contents, ils n'ont jamais provoqué les gens. Vous voyez, c'était la ferveur du croyant qui, c'est-à-dire ce n'est pas la ferveur du citoyen, c'était plus la ferveur du croyant qui veut, soi-disant, appliquer la charia au bout. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'ils ont manifesté. C'est pas un jeu politique. C'est pas dans le sens inverse qu'il faut voir les choses. C'est exactement ce qui se passe. Les gens qui sont les minorités, est-ce que vous avez vu un chrétien algérien? Est-ce que vous avez eu un jour de parler avec un chrétien algérien? En vrai, c'est pas un Kabyle, un Oranais ou un Constantinois. Est-ce que vous avez Tlaqit ma'anas chrétien algérien, ou tlaqit ma'anas chrétien libanais, palestinien. Ils sont très discrets. Moi, personnellement, j'ai rencontré un prêtre constantinois, jeune, il a 40 ans, je crois, et c'est un très bon philosophe, et j'ai bien parlé avec lui, mais de Constantine, et quelqu'un qui est très bien. Mais quand on le voit dans la société, il n'a jamais, et on se dit en plus, et il n'a jamais dérangé les gens. Et on ne le voit même pas, c'est une minorité, ça existe en Algérie. Mais lui, il respecte les règles de la société. C'est seulement que la société, elle lui renvoie le remerciement. Ça, il fait partie de cette société. C'est pour qu'il exerce ses droits. Il n'est pas obligé de se cacher, il a le droit de le faire. Seulement, voilà, que la société, elle doit le respecter. Et la loi algérienne, elle n'interdit pas la conversion. La loi algérienne, elle ne demande pas à quelqu'un, il demande la nationalité algérienne, normalement, il ne demande pas une attestation de conversion à l'islam. Ça, c'était fait par la ferveur citoyenne, croyante. Ce n'était pas par ferveur citoyenne. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est ça le danger, en fait. Le danger quand le croyant, il prend place... ou les valeurs croyantes qui prennent place des valeurs citoyennes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut avoir? Est-ce qu'on veut avoir une république républicaine, démocratique, ou on veut une république islamique? Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse un référendum ou un truc comme ça, et la société, elle va prendre part. Si la société algérienne, tous les Algériens, ils veulent une république islamique, qu'ils le fassent, mais qu'ils l'assument. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a ni élection, ni rien du tout. On est dans un système complètement totalitaire qui a dit que nous, on décide à la place des Algériens. Et jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans ça. Donc voilà. Non, mais on est dans notre culture, traditionnellement, on est dans une culture totalitaire. Il faut qu'on accepte ça. On n'a pas le choix. Je l'ai dit en Maroc, à Casablanca en 2008. Je dis que notre culture, elle est une culture totalitaire. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est une réalité. On peut pas critiquer le père, on peut pas critiquer le grand frère, on peut pas critiquer l'imam. Moi, je me rappelle une fois, j'étais petit ou j'étais adolescent, je connaissais un peu, mais j'ai posé la question à un imam. Au lieu de me répondre, il m'a frappé. Parce que j'ai posé une question que moi, personnellement, ça m'a intrigué. J'ai posé la question, au lieu de me répondre, il m'a frappé. Donc, la critique, l'esprit critique, ça n'existe pas. Et que quand on dit l'esprit critique, il faut l'exercer soi-même d'abord. Il faut que nous-mêmes, on accepte la critique. Quand on dit, moi, je crois à la liberté des femmes. Oui, je crois à la liberté des femmes, mais il faut commencer par ta femme d'abord. Il faut lui donner ses droits. Il faut faire qu'elle exerce son droit dans ta famille. C'est pas que, oui, je crois, mais ma femme, non, vous n'avez pas le droit de la voir, vous n'avez pas le droit qu'elle fasse les courses toute seule, et on n'a pas le droit. Non, c'est ça qui nous manque. En fait, cette application, j'appelle ça, moi, une citoyenneté appliquée. C'est pas une citoyenneté idéale. Vous voyez, c'est pas idéologique seulement, il faut que ça soit réel. Malheureusement, on n'est pas arrivé là. C'est ok. C'est très clair. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Yazid Haddar, d'avoir appelé, ta contribution. Tu peux intervenir quand tu veux pour les prochaines fois. Ça sera avec plaisir. Avec plaisir aussi. Ok, Texaha, merci beaucoup pour l'appel. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Yazid Haddar qui est intervenu. Il est journaliste, il est aussi spécialisé sur les questions de psychiatrie, neuropsychiatrie si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, la psychologie. On a parlé un petit peu de la violence. Moi, je ne partage pas totalement son avis sur ce qu'il a dit sur certaines choses, mais c'est pas mon avis qui compte, c'est l'avis des auditeurs. De toute façon, Khaouti, qui écoutez, vous pouvez intervenir vous aussi quand vous entendez quelque chose qui vous convient pas. Vous pouvez donner votre avis aussi. Chacun il donne son avis, c'est respectable. De toute façon, c'est pas ici qu'on va changer le monde. C'est chacun il donne son avis, chacun se fait son point de vue. Mais chez Mouchkel, moi aussi je donne mon avis, je le donne des fois ici quand j'ai le temps. Sinon, je le donne sur ma page Facebook, ma page YouTube. Je partage mon avis, c'est discutable. Il faut rester juste dans le respect mutuel, il n'y a pas de problème. Yani, si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, Sani, il ne faut pas être malhonnête. Des fois, j'ai remarqué sur ma page YouTube, des fois, certains, mais des fois, ils ne sont pas très honnêtes. Des fois, ils peuvent te sortir des choses, des accusations, des diabolisations et tout. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on discute, en fait. N'est-ce qu'ils disent haka, yani, ils ne sont pas capables de discuter ou là, ils ne sont pas à la hauteur. Pour moi, c'est ça, en fait. Dès que quelqu'un il dérape, il est en train d'inventer un mensonge sur toi, il t'accuse et tout. Là, ça se voit que le débat t'a niveau taou, c'est comme ça en fait. Sinon, tous les points de vue sont respectables. On arrive à la fin de l'émission. En fait, je voulais remercier les gens qui nous ont écoutés depuis tout à l'heure, les gens qui sont intervenus, notamment sur le sujet de la corruption, Halim Feddal tout à l'heure, et puis tout le monde en fait, Sherif Akdash, Mourad Salim, Salhi, pardon, de Suisse, et puis Yazid Haddar qui appelle du nord de la France, garde des Algériens, chacun il peut s'exprimer comme il veut. Vous êtes les bienvenus sur Radio Hachicha Khaouti. Je vais vous laisser avec la musique non-stop, mais si vous voulez écouter cette émission Heavy ou les émissions précédentes, il suffit de venir sur le site radiohachicha.com. Là, vous pouvez retrouver dans la rubrique podcast, vous pouvez retrouver toutes les émissions, vous pouvez les écouter, vous pouvez partager ça sur vos pages Facebook si vous voulez aborder le sujet Adam à Nesli Tarfoum. Et puis n'hésitez pas à partager le lien radiohachicha.com sur les réseaux sociaux, la page profil Ta'com sur Facebook et tout. Ça nous aide à diffuser encore plus les discussions, les débats, les sujets abordés. On essaie de rester positif, on essaie d'apporter le minimum humblement, c'est juste un petit peu. On ouvre l'antenne, c'est pour que les gens ils s'expriment, parce que moi, personnellement, j'ai toujours défendu ça. C'est le citoyen lambda qui doit faire les choses. Machi, yani les élites, machi, Nestlé, ceux qui décident à la place des autres. Ce n'est pas normal. Il faut que tout le monde intervienne. Moi, je pense que chacun a le droit d'intervenir. C'est le principe même de cette émission. C'est pour ça que je tiens à cette émission. Les gens, ils peuvent intervenir. Ils ont leur point de vue, leur façon de poser les problèmes qui est différente de la façon dont les médias. Comme disaient certains il y a quelques années déjà, don't hate the media, be the media. Il ne faut pas haïr les médias, soyez vous-même le média, exprimez-vous, il faut donner votre avis. C'est vrai que les médias traditionnels, des fois ça déconne, des fois il y a de la propagande, il y a de la manipulation, et heureusement qu'il y a Internet pour s'exprimer. Heureusement qu'il y a les outils qui mettent les blogs, les forums ou les web radios, etc. N'hésitez pas à intervenir, Khaouti. C'était tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'être intervenu, d'avoir appelé et d'avoir écouté. Khaouti, Ikhwani, Akhawati, Aynama Kuntum, Huna ou Hunek. Huna ou Hunek, c'est-à-dire ça fait penser à la radio Hnaoulik. C'est une radio voisine. Une web radio algérienne voisine Tana, c'est juste à côté Tana, ils passent de la bonne musique, ils passent des petites émissions très, très sympas. Allez les voir, ça s'appelle radiohnaoulik.com. Mais sinon, tapez ça dans Google, vous allez les trouver. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je pense qu'ils sont très connus déjà. Les jeunes, ils connaissent ça. C'est une radio qui est très, très sympa, très cool. Voilà, Khaouti. Je vous laisse avec un petit peu de musique et puis je rends l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce direct de samedi soir. Rendez-vous samedi prochain. Salam alaikum, Allah yahfakum, ou tahiyat Jazair. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. حبيبي وأنا بنتسى